Franklish. Franklish. Dis à tes gars qui disent à leurs gars qui restent à l'arrière, ils sont pas encore prêts, pas encore préparés, boy. Yeah. Changement d'ambiance, moi, fuck it off. Distingue les vrais des faux, les lions et les faux. Où sont mes frères? Ici le niveau, je hausse, passe à toute la faute. Yeah. Ils se regardent quand je pose, strangle et je m'impose. J'suis uniquement fuck, mais comparé, tu hausses. Lion noir sur la blouse, bosse pour faire du flouze. Mon entourage est fou, ne s'attache pas aux fous. Les femmes et les villes ils me traquent, ils sont dans mon dos. Pourquoi c'est beau le scrap, ils écoutent ma dose. Entre Ika qui j'milite, je manie 9 milli. Money, money, money, money, centimes jusqu'au milli. Banquette arrière, vie facile, fais pas tes manières. Moi j'veux du violet vert, bitch, fais ma manière. Parce qu'à faire de la bombe, pourquoi tu n'attends? À charme venu du Congo, passant par le Togo. Comme une wifi, j'ai des connexions tout part. La réussite, moi et mes gars, on va la douce part. Qui va donner à graisse si tu vas pas chasser? Pour mieux égorger la bête, j'arrive en pas chasser. Qui va faire le top? Dis-moi qui va faire le top? Qui va prendre leur place? Qui va arracher leur part? Seul 3-5-7. La vie n'a pas de prix, mais la mort s'achète. J'ai vendu en détail la drogue en sachet. J'ravitaille le bétail, les keufs nous pourchassaient. J'ai beau quitter la urne, mais la urne ne me quittera pas. Le plus éloquent de vos députés égarés ne me quittera pas. J'sors des deux bains gris et ils pèsent mes mous. Euro, dollar ou livre, j'suis dans les pèves mous. J'fais des parenthèses même quand j'vais charbonner. Passe du point A au point B en passant par le point G. J'aime les gros darmas et les fouf étroites. Si je me lève du pied gauche, tu te bouffes une droite. Si je suis pris dans les salades, j'appelle mon avocat. Je mange une peine planchée, le juge a étudié mon cas. Je suis un chacal, je vais tous vous laisser affamés. Ituta Kaboy, Tekuma, Yafama. Qui va donner à graisse si tu vas pas chasser? Pour mieux égorger la bête, j'arrive en pas chasser. Qui va faire le top? Dis-moi qui va faire le top? Qui va prendre leur place? Qui va arracher leur part? C'est nous! C'est nous, man! C'est nous! C'est nous! C'est nous! Yeah, yeah. Et personne d'autre. No, no. C'est nous! C'est nous! C'est nous! C'est nous! Quoi? C'est nous! Ah. Et personne d'autre. Hey, Franglish. J'ai dit à mes gars qui disent à leurs gars de rester à l'arrière qu'ils sont pas encore prêts pour vous préparer. Bois. Tire. Let's kill, let's kill.